Nación Siros. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, chaque semaine à la radio, on écoute des bandes annonces de films avec des musiques de films, des chansons de films. Une émission que vous pouvez retrouver sur internet sur toilesetsillons.fr pour écouter les émissions en direct sur le site, les télécharger ou bien vous pouvez vous abonner au podcast pour les recevoir chez vous chaque semaine et n'en manquer aucune. Il y a également la page Facebook Toiles et Sillons pour être au courant de ce que l'on écoute dans l'émission. On va se balader comme d'habitude pendant une heure dans l'univers du cinéma. Je vous préviens, aujourd'hui c'est uniquement cinéma américain avec beaucoup de nouveautés et de blockbusters qui vont nous accompagner jusqu'à l'été. Mais on va commencer en chanson comme d'habitude avec un film tout à fait improbable de 1994, qui s'appelle Mixed Nuts en anglais, Joyeux Noël en français, et figurez-vous que c'est un remake du Père Noël est une ordure. Et oui, les Américains ont fait un remake du Père Noël est une ordure. Il faut dire que le film est totalement raté pour nous Français qui connaissons l'original avec la bande du Splendid. Dans celui-ci, il y avait notamment Steve Martin et Adam Sandler. Dans la BO, il y avait Dr. John qui chantait Mixed Nuts. On écoute la chanson du remake du Père Noël est une ordure. Christmas Eve, I'm waiting. Saint Nick, I ain't fading. This year, no slacking. Yo, cakes, I'm cracking. Damn, milk and cookies ain't caught you yet. Got a little something special by the TV set. Good news, hey Santa, cast shoes and pecans. Hooray, Hosanna. Santa can't resist those mixed nuts. Chippies, hickories, chestnuts, Chinese pine nuts, peanuts and pistachios. No dog, no turkey, just beer, nuts and beef jerky. Tastes good, so salty, with something cold and malty. All the fellas at work say I'm out of my mind, but if I stay awake, I'm gonna get you this time. Good news, hey Santa, cashews and pecans. Hooray, Hosanna. Santa can't resist those mixed nuts. Acorns, almonds, Boston on the Amazons, black Carpathians, giant macadamias. I wake up, kinda dimly, see a poo scooting up the chimney. Jump up, and try to pull it, this pee is faster than a bullet. Six empty jars laying on the floor, next Christmas Eve there'll be ten times more. Good news, hey Santa, cashews and pecans. Hooray, Hosanna, Santa can't resist those mixed nuts. Good news, hey Santa, cashews and pecans. Hooray, and Hosanna, Santa can't resist those nuts. Dr. John avec Mixed Nuts, la chanson du film Joyeux Noël, donc remake du Père Noël est une ordure, un film qui était réalisé par Nora Ephron. On va entrer dans le vif du sujet avec un film sorti récemment, Warcraft, le commencement d'après le célèbre jeu vidéo, film réalisé par Duncan Jones avec entre autres Travis Fimmel. Je vous propose d'écouter la bande-annonce du film et un extrait de la BO juste après la musique qui est signée Ramin Djawadi. C'est parti. Depuis des années, notre monde vit en paix. Mais des heures sombres s'annoncent. Je le sens. Des forces obscures nous menacent. Reculez ! Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. Notre monde se meurt. Nous sommes condamnés à partir. Si notre peuple veut survivre, nous devons nous établir ici. Quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Nous devons nous allier ou notre monde est condamné. Ce n'est pas une fatalité. Quelqu'un doit pouvoir nous aider. Pour les orques, la vie, c'est la guerre. Non, avec l'aide des humains, ça peut changer. Que venez-vous faire ? Sauver notre peuple. On peut se fier à lui. Ce sont des bêtes. Il faut les exterminer. En êtes-vous certain ? Nous protégerons le royaume. Vous et moi. Tu t'allies aux humains contre les tiens. C'est du suicide. Nous n'avons pas le choix. Nous devons attaquer en force. Il faut se décider ! Maintenant ! Dans Toiles et Sillons, on se balade dans les genres et aussi dans les époques. Après Warcraft en 2016, nous étions en 2001, enfin en 1968, avec le film de Stanley Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace. C'était un extrait de la BO signé Alex North. Retour en 2016 avec un film sorti il n'y a pas longtemps, Célibataire mode d'emploi de Christian Dieter, avec Dakota Johnson, Rebel Wilson et Leslie Mann, entre autres une bande de filles qui racontent leur célibat de manière assez cash, on va dire. On va écouter la bande-annonce de Célibataire mode d'emploi, et puis juste après un extrait de la BO qui est signé Phil Eisler, le thème d'Alice. Où tu vas ? Je rentre chez moi. Ok, c'est pas cool de rompre, mais tu sais ce qui est encore moins cool ? Gâcher une soirée à New York. Je vais t'apprendre comment être célibataire. Va nous choper à boire. Ok. Sors pas ton fric, sors ton piège à saucisse. T'es une jolie fille. On est à New York, il y a un milliard de gens derrière cette porte. Dans n'importe quelle amitié homme-femme, il y a un total de verres fatidiques. 4, 5. Si le total est atteint, ça finit forcément en coucherie. Au bout de 5 verres, je coucherai même avec toi. C'est 27 verres mon total. J'ai même pas envie de me toucher en dessous de 24. Je veux un peu d'asseoir. Et le brun là-bas au bout ? Non, non. Il est bien trop jeune. Aux histoires sans histoire. Aux histoires sans histoire. On va où ? À la maison. Merde ! T'es célibataire maintenant. Interdit de dire je rentre chez moi. Yes ! J'espère que t'aimes faire la fête. Si Tom t'envoie un truc, t'attends 4 heures avant de répondre. Et au moindre émoticône, c'est mon point dans les nichons. Non ! Émoticône ! Oh ! Ça fait peur, il faut que tu fasses quelque chose. Quoi, mais il y a à peine 3 poils. Oh, c'est bon. Sérieux, c'est comme si j'avais Gandalf en face de moi. Les punis ne passeront pas! Thank you. Cette musique de John Barry fait partie des musiques de films les plus célèbres au monde, Macadam Cowboy en 1969, film de John Schlesinger avec Dustin Hoffman et John Voight. Retour tout de suite à la nouveauté avec un film sorti il y a quelques semaines, The Nice Guys. Il n'y a pas longtemps, dans Toiles et Sillons, on a écouté une chanson extraite de la BO du film. Je vous propose d'écouter la bande-annonce et puis d'écouter le thème de The Nice Guys, signé David Buckley et John Ottman. John Ottman qu'on retrouvera en fin d'émission pour une autre BO de film. Et pour ceux qui connaissent la version originale du générique de Starsky & Hutch, vous verrez que ça sonne terriblement années 70, ça tombe bien, c'est là, dans cette période, que se passe l'intrigue de The Nice Guys. Je suis pas dans les pages jaunes. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez faire appel à moi. Jackson Ellie, quand tu verras le docteur, non. Dis-lui que t'as une fracture spiroïde du radius. Non. Inspire. Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la. March, Jack Ellie, je veux que tu retrouves Amelia. Tu bouges pas. Vous avez vu cette fille? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Il arrêtera de faire ça. Faire quoi? Ça. Je suis vivant! T'es vraiment le pire détective du monde. Le pire du monde. Personne n'a souffert. Plein de monde a souffert. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont morts rapidement. Ils ont rien dû sentir. Thank you. On est resté à peu près dans la même époque, puisque en 1980, Colin Higgins réunissait autour de John Debney, Dolly Parton, Jane Fonda et Lily Tomlin pour 9 to 5, comment se débarrasser de son patron en français. La BO était signée Charles Fox et on vient d'entendre le morceau Office Montage, extrait de cette BO. On revient à la nouveauté avec la suite en quelque sorte de l'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. C'est toujours produit par Tim Burton, il y a toujours Johnny Depp et Helena Bonham Carter, mais il n'y a plus Tim Burton aux manettes, c'est réalisé par James Bobin. Alice de l'autre côté du miroir, par contre vous allez entendre plutôt qu'avec la musique du film, on reste dans l'univers de Tim Burton puisque la musique est signée Danny Elfman. Et puis juste après, on ira dans les années 80 avec un film d'action, Missing in Action, porté disparu. C'est un film qui a remis en vedette Chuck Norris. Où suis-je ? Alors voyons. Nerveuse, sujette à la fantaisie, un parfait exemple d'hystérie. Elle sera sur pied en un rien de temps. Arrêtez-la ! Ne la laissez pas s'échapper ! Non ! Hey ! Je vais très bien. Tu t'es absentée trop longtemps, Alice. One pill makes you larger and one pill makes you small. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. And you know you're going to call Alice. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le chapelier. Le chapelier est mon meilleur ami. Je suis prête à tout pour l'aider. Ce sera une course contre le temps. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Le temps est une personne. Mes amis, votre temps s'est écoulé. Il nous a bloqués à une minute de l'heure du thé. L'heure du thé pour l'éternité ! Bonjour, Alice. Le chapelier compte sur toi. Oh non ! Nous comptons tous sur toi. Alice, tu es plus agaçante, plus égoïste que tu ne l'as jamais été. Accrochez-vous. J'ai pas envie de m'accrocher. Oh non, ça recommence! Ah, ah, ah. Désolé! Thank you. Film fantastique sorti en 1957, L'homme qui rétrécit de Jack Arnold, avec Grant Williams et Randy Stewart. Sur l'affiche, on voit un petit homme qui se débat avec un énorme chat. L'homme qui rétrécit, donc la musique était signée de Dick Jacobs. Dans Toiles et Sillons, eh bien, on parle aussi des films qui ne sortent pas en salle, mais directement en DVD ou en VOD. Vous vous souvenez certainement dans les années 90 d'un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger qui se retrouvait devoir, qui était un super flic qui devait protéger un gosse qui était donc dans une école maternelle. Eh bien, il y a une suite qui vient de sortir et qui vient de sortir en DVD et en VOD, Un flic à la maternelle 2, donc, avec Dolph Lundgren qui reprend le rôle du gros bras. On va écouter la bande-annonce de ce flic à la maternelle 2, et puis on écoutera un extrait de la musique, la BO signée Jake Monaco. L'oiseau arc-en-ciel offrit sa jolie plume d'argent au corbeau, qui lui n'avait que des plumes noires. Ensuite, il offrit une magnifique plume rouge à la mouette, qui, elle, n'avait que des plumes blanches. Mais au moment de donner sa dernière plume colorée, il s'aperçut qu'il avait perdu ce qui le caractérisait. Toutes ces merveilleuses plumes, qui le rendaient si joliment multicolore, s'étaient envolées. Mais l'oiseau arc-en-ciel n'était pas triste, il n'avait plus ses plumes magnifiques, mais l'idée d'avoir permis aux autres oiseaux d'être aussi beaux que lui faisait son bonheur. C'est pas vrai! Un peu de sérieux, s'il vous plaît! C'est un ramassis de sensiblerie et de bons sentiments. Ne suivez pas les conseils de cet oiseau. Cette idée de partage est très surfaite. Si vous avez quelque chose de particulier, vous ne devez ni l'offrir, ni le cacher, ni être gêné devant ceux qui n'ont pas votre talent et votre chance. Ne vous excusez pas d'être les meilleurs, parce que c'est justement pour ça que vous êtes les meilleurs. Mon père, il veut que j'apprenne à tirer avec son fusil. Un petit peu de comédie dans Toiles et Sillons avec Ace Ventura, détective chien et chat, en 1995. C'est le film qui a fait connaître Jim Carrey dans le monde entier. Il y avait également Courtney Cox dans ce film. La bande originale, était signée Ira Newborn. Nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de l'émission qui elle-même écoute le cinéma. Vous le savez, à part à la radio, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet toilesetsillons.fr pour écouter en direct l'émission, la télécharger pour l'emmener partout avec vous, et vous pouvez vous abonner au podcast pour la recevoir directement chaque semaine, toilesetsillons.fr. Je vous donne rendez-vous aussi sur la page Toiles et Sillons sur Facebook. Vous cliquez sur j'aime et chaque semaine vous serez tenu au courant de ce qui se passe. On se quitte avec une nouveauté. Je vous parlais de John Ottman tout à l'heure. Il avait écrit en duo la musique de The Nice Guys, mais il a écrit tout seul la musique d'un des blockbusters de cette fin de printemps et début d'été, X-Men Apocalypse, film réalisé par Bryan Singer, bien sûr, avec James McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence, entre autres. On va écouter la bande-annonce d'X-Men Apocalypse et ensuite donc un extrait de la BO signé John Ottman. Je vous souhaite une très bonne fin d'émission et on se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Il y a du progrès. Le monde a progressé. L'absence de guerre, ça ne veut pas dire la paix. Il arrive. Certains l'appellent Apocalypse. C'est une sorte de divinité. Depuis des dizaines de millénaires, il réunit des mutants et s'approprie leur pouvoir. Il était toujours suivi de 4 disciples. Comme les 4 cavaliers. Eric, ne les rejoins pas. Quoi que tu aies cru voir en moi, je l'ai enterré avec ma famille. Ensemble, nous purifierons la Terre. Tout ce qu'ils ont construit s'effondrera sur les cendres de leur monde. Nous en bâtirons un meilleur. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Charles! Ils l'ont enlevé. Raven, le monde a besoin des X-Men. Je suis pas une héroïne. Tu es un modèle pour eux. Si je dois leur apprendre quoi que ce soit, je vais leur apprendre à se battre. Suis-moi. C'est toi. J'ai pas peur de lui. Magneto, c'est mon père. Quoi? Lui et ma mère, à un moment, c'est ils compris. Ont... On ne peut pas tous contrôler nos pouvoirs. Alors lâchez-vous. Apocalypse entend détruire notre monde. Ça va être nous tous contre un dieu et les créatures les plus puissantes de la Terre. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Tout ça appartient au passé. Vous n'êtes plus à l'école. Nous leur prendrons tout ce qu'ils ont. Vous êtes des X-Men. Vous n'avez pas chômé ? On a eu un coup de main. Thank you.